Somme 37. C'est moi, Jean-Claude. Ah, c'est bon. Somme 37. Peu importe ce qui se passe, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur désire est relié à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Dis-lui pas quoi faire. Juste lui faire confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Pour nous qui connaissons le Seigneur, notre justice, c'est Jésus-Christ. Notre droit, c'est Jésus-Christ. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est difficile de rester ainsi, de garder le silence, de ne pas grogner. Mais pourtant, la parole de Dieu ne change pas parce que nos circonstances changent. Juste avant de faire 66, j'ai allé revoir à l'introduction, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit, Christian avait dit, qu'il y avait comme la compréhension que les chapitres 1 à 5, c'était comme un sommaire exécutif, c'est-à-dire une synthèse des autres chapitres. C'est comme si ça avait été écrit après tous les autres chapitres et pour en faire la synthèse. Alors, effectivement, vous allez voir dans Ésaïe 66 que, en fait, Ésaïe 66 puis Ésaïe chapitre 1, vous pourriez les mettre un à côté de l'autre, là, puis ça dit quasiment la même affaire. Mais Dieu le répète parce que c'est important. Alors, j'ai fait une petite extraction de certains des passages. On aurait pu en sortir beaucoup. Michel a fait la synthèse de Ésaïe 40 jusqu'à 66, des bénédictions de Dieu dans ce livre-là, juste de 40 à 66. Il y en avait 4 pages d'extraction. Alors, je vous épargne ça, là, mais si ça vous intéresse, vous pourriez demander à Michel. Alors, ce que j'ai retiré et qui est utile pour notre étude aujourd'hui, c'est les versets qu'il y a là. Mais je vais juste mettre l'emphase sur certains mots. Sion sera sauvé par la droiture. Ceux qui se convertiront seront sauvés par la justice. Si vous ne voyez pas là Jésus-Christ, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Ésaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme. Confiez-vous en Dieu, c'est ce qu'on vient de lire dans Psaume 37. Puis malheur à ceux qui tournent le dos à Dieu, qui tournent le dos à sa parole, qui cherchent le succès ou la sécurité dans ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent acquérir, comment ils vont prendre les moyens, peu importe les moyens, ils se justifient eux-mêmes de faire ce qu'ils font. Et attention à nous de ne pas tomber dans ce piège-là. Dépendamment des circonstances, on peut se justifier des choses qui sont injustifiables. Alors ici, les 5 premiers chapitres s'adressent, en fait, Ésaïe 66 parle à Israël, mais en fait, il parle à toutes les nations en même temps. Juste attirer notre attention là-dessus. Mais pour nous, on va regarder Ésaïe 66. Puis, ben pour moi, c'est encore une fois le plan du salut pour l'homme. On va regarder ce qu'il dit dans le texte par rapport à l'autorité de Dieu. Ceux que Dieu réprouve, ceux que Dieu approuve, puis l'attitude à prendre. Alors, si vous gardez ça en tête, on va lire Ésaïe 66. Je laisse la slide là. Mais je vais revenir sur le texte, mais pas dans l'ordre nécessairement que Ésaïe 66 est écrit, mais plutôt dans l'ordre de ces points-là. Et ici, je vais le lire tel qu'il est dans ma version Louis II. Ainsi parle l'Éternel. Et j'apprécie en fait que Gilles a lu Ésaïe 40 parce que ça va dans le même sens. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. On pourrait mettre le mot ici contrairement, là, à la fin du verset 2. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. On pourrait rajouter le mot « alors ». Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et qui et vous repoussent à cause de mon nom. Voici ce qu'ils disent. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaité, vous serez porté sur les bras et caressé sur les genoux. C'est le passage que Gilles faisait allusion tout à l'heure. Comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolé dans Jérusalem, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappée vers les nations. À Tarsis, à Pule et à Lune, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Fin du livre. Fin du chapitre, fin du livre. Beaucoup de stock. Et si on voulait s'attarder, on pourrait passer une autre année juste sur ça, je pense. Sur ce chapitre-là. Mais en ayant couvert les chapitres précédents, je pense que Dieu nous a guidés et nous a donné ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Alors, le plan du salut, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce livre-là, l'Ésaïe, était écrit il y a longtemps, 600 ans à peu près, là, avant Jésus-Christ. Et tout ce qui est écrit dans le livre est parti arriver et la balance va arriver bientôt, je crois. Mais en attendant, non, la main éternelle n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Une des choses que moi, j'ai, qui m'a frappé en regardant les prophéties, c'est que on a tendance à, j'ai tendance en tout cas, et que Dieu me change, de quand on annonce l'Évangile, quand j'annonce l'Évangile aux gens, de parler du salut immédiat, dans le sens que, regarde, on va parler de Jésus, on va parler du péché, de Dieu, Dieu veut restaurer. J'ai beaucoup appris dans les années passées, dans cette année qui vient de finir, en regardant les Écritures avec vous. Mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'on ne parle pas de la finalité vraiment. Puis il y a un jour de jugement qui vient sur le monde. Puis avant le jour de jugement, hein, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Mais quand on va partir, nous, est-ce que ceux qui nous entourent ont au moins suffisamment entendu parler de Dieu, de Jésus, du salut, du retour de Christ qui va venir un petit peu plus tard avec toute son Église? Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils savent ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations pour se dire quand l'Église va disparaître comme ça, en un instant, en un clin d'œil, puis qu'ils vont rester derrière nous? Est-ce qu'ils vont se dire « Ah, boy, là, je comprends qu'est-ce que Jean-Claude disait. Là. Tu sais, je ne le croyais pas. Qu'est-ce que Mance disait? Qu'est-ce que Daniel disait? Ah, je ne le croyais pas, mais là, ça arrive devant mes yeux. » Puis les quelques années qui vont suivre, ce qui va se dérouler, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on les a avertis qu'après notre départ, il y a encore un peu d'espoir avant le retour de Christ? Okay, est-ce qu'ils savent? Puis bon, moi, ça m'a parlé beaucoup. Fait que, donc, je vous encourage, en regardant le texte ici, à aller chercher un peu d'encouragement puis peut-être d'informations pour vous motiver à aller un petit peu plus loin dans l'annonce de l'Évangile. En tout cas, bref. Alors, mon exhortation aujourd'hui pour nous, c'est « Réjouissez-vous en tout temps d'appartenir au Seigneur, peu importe les circonstances. » Pourquoi? Ses promesses sont véritables. Il n'y a pas de place au découragement, il n'y a pas de place au surmenage. Alors, on va parler premièrement dans le texte de l'autorité de Dieu. Versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. » J'ai nous lu Ésaïe 40. Moi, je vous propose Ésaïe 45. C'est la même chose. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est par l'Éternel que obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, ceux qui ont cru, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Hey, on a une brique dans les mains, il y a un peuple qui a parlé de Dieu, il y a maintenant une nation, nous, l'Église, qui parle de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre. J'ai point dit à la postérité de Jacob, « Cherchez-moi vainement. » Au contraire, celui qui cherche, trouve. Venez vers moi, hein, c'est ce qu'il dit. « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Alors, si Dieu a autorité, ça, c'est la première raison de se réjouir, de lui appartenir. Parce qu'il est l'autorité. Tout vient de lui, tout est pour lui. Ce qu'il a dit est vrai, ce qu'il a promis va arriver. Il a le pouvoir de tenir toutes ses promesses. Toutes les promesses qu'il a faites, il va les tenir. Il les a tenues dans le passé jusqu'à ce jour, et ce qui reste à faire, il va le faire tel qu'il l'a dit. Et ça, c'est par la foi qu'on y croit, là. C'est même par la foi qu'on peut être amené à comprendre les Écritures quand on les lit. Mais il faut s'en rappeler. Dieu est immuable, il a l'autorité. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il nous a promis, il le fait. Il ne nous échappe pas, il ne nous oublie pas. Même si nous, des fois, on pense qu'on n'en vaut pas la peine, lui, il ne nous oublie pas. Le deuxième point que je voulais faire, c'est que Dieu Dieu en aura certaines choses. Alors, voici ce que Dieu réprouve. Ils ont un cœur partagé. Ils n'ont pas d'espérance dans les promesses de Dieu. Puis Dieu va exercer sa justice sur eux. À moi la vengeance, à moi la rétribution, que Dieu dit. Alors, comment on sait ça? Fait que, au verset 3 d'Ésaïe 66. Regardez comment c'est intéressant, comment le texte est présenté. Dans votre lecture, c'est comme dans votre Bible, c'est comme un fil continu. Mais moi, je l'ai coupé en morceaux. Juste pour montrer qu'on peut pratiquer la loi, mais être à côté de la loi. Celui qui immole un bœuf, celui qui sacrifie un agneau, celui qui présente une offrande, celui qui brûle l'encens, c'est des choses que Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire via ses prêtres. Celui qui immole un bœuf, Dieu, quand il regarde, là, dans le texte dans lequel on est, quand il regarde Israël, il dit, celui qui immole un bœuf, dans le fond, qui fait ce que j'ai demandé, est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, le premier nain pur et sans tache, est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, abomination, du sang impur. Celui qui brûle de l'encens, c'est pour des aromates, pour plaire à Dieu, est comme celui qui adorerait des idoles. De quoi il parle ici? C'est qu'on peut bien être religieux, mais avoir le cœur complètement à côté de la traque. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Dieu, il regarde ce qu'on fait, mais il regarde le cœur. Il est où le cœur? Dieu, c'est au cœur qui s'attache. Il est où mon cœur? Et Dieu dit à ceux qui font ça, qui se complaisent dans leur voie, qui trouvent du plaisir dans leurs abominations, moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Pourquoi? Parce que j'ai appelé qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé qu'ils n'ont point écouté. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils ont choisi ce qui me déplaît. Quand on... C'est intéressant qu'on regarde, en tout cas, je vais toujours parler de moi-même, là. Quand on annonce l'Évangile à des étrangers, c'est un petit peu plus froid, un petit peu moins... Bon, peut-être plus, moi, je n'ai pas l'instinct maternel. Là. Ça fait que c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus théorique, un petit peu plus cartésien. Bien oui, j'ai à cœur d'annoncer l'Évangile parce que j'aime le Seigneur et parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Puis, qui suis-je, moi, pour savoir que si la personne à qui je vais parler de l'Évangile va le recevoir ou pas? Mais à l'autre extrême, c'est quand on couvre les personnes. Oui, mais elle fait les bonnes choses. Oui, mais elle est bien intentionnée. Comment on sait que quelqu'un est bien intentionné ou pas? On ne peut pas envelopper l'annonce de l'Évangile par un faux amour humain. Dieu, lui, voit les cœurs. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a la responsabilité de dire la vérité à tout le monde, et particulièrement à ceux qui sont proches de nous, et particulièrement à ceux qu'on aime profondément, parce que Dieu connaît leur cœur, et s'ils ne connaissent pas le Seigneur, même avec les meilleures intentions du monde, la destination, c'est l'enfer. Et si on les aime vraiment, on ne va pas en dire le message, on va dire la vérité telle qu'elle est. Et Dieu ici, là, il est tranchant. Ceux qui se complaisent dans leur voie, qui trouvent du plaisir dans ce qu'ils font, mais pour Dieu, c'est des abominations. Dieu dit, moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Pourquoi? Parce que Dieu, de tous les temps, s'est fait connaître aux hommes. Dieu veut attirer à lui tous les hommes. Mais les hommes préfèrent les ténèbres. Vous vous rappelez qu'on a vu ça, hein? Dans Jean, chapitre 1. Les hommes préfèrent les ténèbres. Alors, quand on annonce l'Évangile, il faut quand même annoncer aussi la conséquence de rejeter l'Évangile. Alors, eux, ils ont un cœur partagé. Ils ont aussi le fait qu'ils n'ont pas d'espérance. Au verset 5, « Écoutez la parole éternelle, vous qui craignez sa parole. » Voici ce que disent vos frères. Là, ici, c'est vrai qu'on parle à Israël, mais si on parle à nous qui sommes le produit des nations et non pas du peuple juif, nous, on est réchappés parce que le Seigneur nous a fait connaître l'Évangile à nous qui n'étaient pas dans le peuple d'Israël. On est parmi les nations. Alors, nos frères à nous, c'est les nations, si on veut le voir comme ça. Voici ce que disent vos frères qui voyaient s'ils vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Hey, qu'il nous fasse un miracle, qu'il fasse quelque chose, Dieu. Quand on parle de l'évangile aux gens, ouais, mais moi, j'ai pas commis de crime grave, tout ça. Ouais, mais Dieu, lui, il demande la restauration parce que dans le fond, même si tu penses que tu fais rien de mal, tu es rebelle à Dieu, tu as exclu Dieu de ta vie, tu n'es pas intéressé à ce qu'il y a à dire. Dès que tu entends parler de Dieu, tu sautes des yeux, tu regardes ailleurs. OK, alors Dieu, lui, il veut te parler, toi, tu ne veux pas l'entendre. OK? Mais, OK, bien, montre-moi un miracle, montre-moi quelque chose. Prouve-moi que Dieu existe. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais Dieu dit, ils vont être confondus. Intéressant, dans 2 Pierre, au chapitre 3, Pierre avertit ceux de son époque et nous tous en même temps. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Sachant avant tout que dans les derniers jours, si on n'est pas dans les derniers jours, là, excusez-moi, mais on ne doit pas être bien loin, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et là, Pierre va nous dire tout ce qui s'est passé depuis la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existent, etc. Le point est, c'est qu'aujourd'hui encore, les gens disent, ben, il est où votre Jésus? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'extraordinaire. Regardez ce qui se passe sur la planète. Et où la justice? Et où la bonté? Ils sont où les bonnes œuvres? En fait, quand on regarde, malheureusement, quand on entend parler des églises, ce n'est pas des bonnes choses qu'on entend dans les nouvelles. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous glorifier dans les nouvelles, là. Mais quand même, il y a des choses qui sont annoncées qui tuent le message de l'Évangile. Et dans nos vies personnelles, par contre, il devrait y avoir une différence. Mais les gens posent la question, il est où, votre Jésus? Ça fait 2000 ans, là, il n'est jamais revenu. Parce que là, c'est ça qu'ils veulent voir. Hey, vous dites qu'il va revenir. Hey, ça fait 2000 ans, là. Hey, franchement, même les apôtres croyaient que ça arriverait de leur jour. Même à l'église de Thessalonique, ils attendaient, là, ils avaient hâte que ça arrive parce qu'ils souffraient selon eux, ils souffraient inutilement, là. Ils souffraient, puis ils ne voyaient pas le bout de la chose. Ils soupiraient. On est rendu 2000 ans plus tard, les gens disent, mais il est où, votre Jésus, là? Franchement, on questionne même sa venue maintenant. On questionne même avec sa résurrection parce qu'on cherche sa tombe, etc. Alors, il n'y a pas d'espoir chez les hommes. Et Dieu a une finalité pour eux, les ténèbres. Au verset 14, je prends la moitié du verset. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et s'échare comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux que tuera l'Éternel. Ils sont déjà morts. Si on s'en fie aux Écritures, quand Dieu nous a créés, on n'était pas supposé de mourir. Avant le péché, on n'était pas supposé de mourir. Mais à cause du péché, Adam et Ève sont morts spirituellement. L'Esprit de Dieu s'est éloigné de eux. Et la mort physique est arrivée. Et la mort physique est toujours là. Et la mort spirituelle, pour ceux qui ne croient pas, est toujours là. Nous, nous sommes ressuscités déjà spirituellement. On est né de nouveau, c'est-à-dire même pas, excusez-moi, ressuscité, je recommence. On est né de nouveau parce que Dieu a mis en nous son esprit. Ce qu'on n'avait pas, il nous l'a donné. On est maintenant enfant de Dieu. Mais on est encore dans un corps de chair qui va mourir un jour. Alors, ce n'est pas la mort physique qu'il faut craindre, c'est la mort spirituelle. Et quand il dit ici qu'il va exterminer, physiquement, oui. Malheureusement, pour ceux qui rejettent le salut, c'est la mort spirituelle éternelle. Ils restent morts. Ils vont ressusciter physiquement pour voir la gloire de Christ, puis ensuite pour en être séparés éternellement. Il y a souvent des moments où j'aimerais donc pouvoir parler dans certaines circonstances, puis je ne vois pas la brèche, mais ça ne me laisse pas indifférent. Mais j'aimerais donc pouvoir parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais les gens ont besoin d'entendre. Est-ce que c'est par manque de courage de ma part de ne pas avoir dit ce qui me passait par la tête ou une sagesse qui me dépasse? Mais quand même, est-ce qu'on est conscient que les gens qui nous entourent, s'ils n'ont pas le Seigneur, s'en vont en enfer? Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront. Ceux qui font des choses qui déplaisent à Dieu. En fait, ils cherchent, ils mettent leur espoir dans toutes sortes d'affaires, mais pas en le Seigneur. Je connais leur œuvre et leur pensée. Le Seigneur, il voit les œuvres. Nous, on peut voir les œuvres, mais on ne connaît pas les pensées. On n'a aucune idée. Quand on va se présenter, quand on va au ciel, hein, il va peut-être manquer des gens qu'on pense qu'ils devraient être là, il va peut-être manquer des gens à l'appel. Puis il va peut-être y avoir des gens qu'on ne s'imaginait même pas qui seraient là. Mais notre responsabilité, ce n'est pas de décider ici-bas s'ils vont et s'ils ne vont pas. Notre responsabilité, c'est de les avertir, de leur annoncer l'Évangile, puis de les avertir s'ils rejettent l'Évangile. Ça m'est arrivé une fois, un midi, un collègue de travail, qui me demande, dans le milieu de nulle part, là, on s'en allait dîner, puis il me dit, écoute, Jean-Claude, une question pour toi. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi la différence entre ta religion et la religion catholique? Ah, t'es-tu sérieux? Tu veux vraiment savoir? Il dit, ouais, ça m'intéresse. OK, mais parfait, tu fais quoi pour dîner? Fait que, j'avais rien planifié. Parfait, allons dîner ensemble. Fait que le restaurant était dans le même bâtisse. Fait qu'on descend. À l'époque, on avait le droit d'aller au restaurant qu'on voulait, là. Fait que, on descend au restaurant, puis pendant le dîner, je lui explique la différence entre la religion catholique et la foi en Jésus-Christ. Puis, moi, je suis son boss, hein, fait qu'à 1 heure, il faut retourner au travail. Fait que vers 1h05, j'ai fait venir l'audition, tout ça, puis là, on s'en vient vers le bureau, tu vois, là, tellement loin. Là, j'ai dit, et qu'est-ce que tu comprends? Il s'appelait Luc, mon ami, il s'appelle encore Luc. Luc, qu'est-ce que tu as compris de qu'est-ce que j'ai dit? Off! Il dit, c'est intéressant, là, mais ça ne change rien dans ma vie. J'étais juste curieux de savoir c'est quoi la différence. OK. Ben, en fait, quand tu dis que ça ne change rien dans ta vie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que avant qu'on dîne, tu ne savais pas par rapport au salut en Jésus-Christ. Mais maintenant, tu l'as entendu. Quand tu vas te présenter devant Dieu, tu ne pourras pas te dire je ne le savais pas. Réfléchis là-dessus. Il ne m'est jamais revenu. Pourtant, on a travaillé ensemble 2 ans, là, il ne m'est jamais revenu sur le sujet. Mais ça ne relève pas de moi. Quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai pris. Mais je lui ai annoncé le salut en Jésus-Christ, mais j'ai aussi annoncé la finalité. Ça m'arrive des fois d'avoir la place pour le faire. Dans son cas, lui, je suis comme mon âme est paisible. Dans d'autres personnes à qui j'ai annoncé l'Évangile, il me semble que je n'ai pas assez poussé l'affaire. Ils ont besoin d'entendre la conséquence aussi. Ah, la deuxième raison de se réjouir, c'est que Dieu va redresser toute injustice. À moi la vengeance, à moi la rétribution que le Seigneur a dit. Le troisième point, c'est que Dieu approuve. Qui sont-ils? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Personne d'autre. Et à nous, il dit, assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ça, c'est nous, réchappez des nations. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. L'appel est fait à tout le monde. Il n'y a personne, hein, on a entendu ça en Mans la semaine passée, là, ouais, mais il y en a là, sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. C'est pas vrai. Dieu dit que tout le monde, quelque part, est sans excuse, parce qu'au minimum, là, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Au minimum, là, il y a la création autour de nous pour voir les grandeurs, les profondeurs immesurable de ce que Dieu a fait, la diversité, la beauté, la complexité. Alors, tout ça là, est là pour interpeller notre conscience. Et Dieu dit que celui qui cherche, trouve. Alors, si quelqu'un cherche Dieu, peu importe où il est, peu importe l'âge, l'époque, de Adam jusqu'à aujourd'hui, ils avaient la possibilité de l'entendre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Le livre qu'on a dans les mains, c'est la parole de Dieu. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Philippiens chapitre 2. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. C'est ce qu'on va dire. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ici, c'est les descendants de la foi. Tous ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel. Ceux qui souffrent dans ce monde présent, pas nécessairement physiquement, là, mais moralement, spirituellement, quand on regarde autour de nous ce qui se passe. Ceux qui craignent Dieu, qui prennent le temps de méditer sa parole pour la mettre en pratique. Ceux-là sont ceux que Dieu approuve. Et Dieu promet une nouvelle nation. On a vu ça au verset 6. Nous, là, on fait partie d'une nouvelle nation. Un pays peut-il naître en un jour? Verset 8. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? La réponse qui vient après, c'est oui. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Le début de l'Église. Okay? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Non, non, je vais l'ouvrir. Moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter? Non, non, dit l'Éternel. Je vais enfanter, vous allez voir. Jésus, c'est le premier-né de cette nouvelle nation. Bel passage, premier-né entre plusieurs frères, premier-né de toute la création, premier-né d'entre les morts. Hébreux 1:6. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. La notion de naissance ici, là, c'est pour Jésus, c'est qu'il est introduit dans le monde. Il a été introduit à Genèse chapitre 1, verset 2, je crois. OK? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Cette lumière-là, c'est de cette lumière-là que Jean nous parle dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, 1 à 6. C'est de cette lumière-là qu'il nous parle. Et Jésus est introduit aussi quand il vient dans la forme corporelle. Et il est le prince des rois de la terre. C'est lui le premier-né. Mais nous, on est le corps de Christ en une journée, dans Acte 2, en une journée. L'Esprit de Dieu est venu sur 120 personnes. Et ces personnes-là, là, sont nées de l'Esprit. 120. Et par les paroles de leur bouche, en une journée, 3000 sont venus au Seigneur. Et quelques jours plus tard, dans Acte 4, un autre 4000 est venu au Seigneur. En quelques jours, est-ce qu'une nation peut être enfantée d'un seul coup? Absolument. Et cette nation-là, elle existe encore aujourd'hui. Elle a 2000 ans, 2000 quelque chose, peu importe. Là. Alors Dieu a fait une promesse et il l'a tenue. C'est nous, là, cette nation-là. Il y avait, si vous lisez ici dans Acte 2, il y avait en séjour à Jérusalem des jeunes juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ils sont tous nommés après. Je ne veux pas passer à travers de ça. Là. Mais bientôt, là, Romain nous dit que quand le dernier des païens va entrer, le dernier des réchappés des nations va entrer, ça va être terminé pour le temps de l'Église et ça va être le temps, on retourne à la dernière semaine pour Israël. Alors, dans Acte verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Et ici, l'appel, c'est que chacun se repente et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on entre dans la nation sainte. C'est comme ça qu'on appartient au Seigneur. Un, avoir un cœur comme le Seigneur demande. Deux, agir en conséquence selon la parole de Dieu. Alors, la promesse qui était faite dans Ésaïe en passant, c'était impossible pour eux de comprendre la notion d'Église à cette époque-là. Ils savaient que quelque chose s'en venait. Ils comprenaient là, que le salut était annoncé, pas juste aux Juifs, mais aux nations. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, une nouvelle nation? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça impliquait, la naissance de l'esprit? C'était pas pour eux de comprendre. Mais à nous, quand on regarde en arrière, on comprend, on a tout ce qu'il faut. Et annoncer l'Évangile, là, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de tout lire ça. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Pierre 2. C'est nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, Jésus, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Regarde, nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ça qu'on est. C'est ça que Dieu avait promis. Je ne sais pas si vous autres, ça vous excite. Mais moi, personnellement, c'est la seule raison de vivre. C'est la seule espérance qu'on a. C'est en même temps, c'est la paix. Je sais qui je sais, je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru, je sais que moi, je suis rien, mais à cause de lui, j'ai tout. Toutes les promesses de Dieu m'appartiennent, toutes les promesses de Dieu vous appartiennent à vous qui croyez. C'est vraiment ça. On est une famille, on est une nation, on est appelé à agir d'une même manière, d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. On est appelé à être unis, à être indivisible. Est-ce qu'on en est conscient? Et la troisième chose qui est importante pour nous, c'est que la promesse de Dieu, c'est que nos yeux vont le voir. Je pense à Job, là, qui est... John MacArthur dit que Job, c'est le premier livre qui a jamais été écrit dans les livres qu'on a dans la Bible. Et Job... qui probablement a vécu avant Abraham ou juste à peu près dans le même temps qu'Abraham. Job, avant les promesses à Abraham, Job déclare à ses amis qu'un jour, il va voir son Rédempteur face à face. Un jour, quand mes os seront dissous, ma chair sera dissoute, quand je n'existerai plus, un jour, quand mon Rédempteur va se lever, je le verrai face à face. Mes yeux le verront. L'assurance de Job. Et ça lui permet de passer à travers de ses misères. Ça fait longtemps que c'est annoncé. Nos yeux le verront. Jésus a vu Dieu. Étienne a vu Dieu avant de mourir. D'autres personnes ont témoigné avoir vu Dieu ou Christ avant de mourir. Alors, les promesses qu'on a, c'est qu'un jour, si je meurs, je vais ressusciter. Dieu va me ressusciter. Et comme Gilles le disait tout à l'heure, l'Éternel prend déjà et va prendre soin de nous éternellement. Comme une maman prend ses enfants sur ses genoux, l'Éternel prend soin de nous. En tant qu'adulte, je n'ai pas souvent pensé, même quand je suis parti de chez moi à 18 ans, là, je ne me souviens pas d'avoir pensé aller me rasseoir sur les genoux de ma mère pour qu'elle me console de quelque chose. Mais le besoin n'était peut-être pas aussi grand que celui-là qu'on a d'être sauvé de nous-mêmes, de notre misère, puis d'aller quelque part, aller vers quelqu'un qui nous prend dans ses bras, puis qui nous console, puis qui ne nous juge pas. Qui ne remet pas dans la face toutes nos misères, nos malheurs, parce qu'une mère ne fait pas ça. Une mère console sans juger. C'est ça que le Seigneur fait. Il nous prend dans ses bras, il nous console. Mais concrètement, physiquement, là, un jour, on va le voir face à face. Et Dieu nous dit, hein, regarde, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, je vous l'ai dit, ça va arriver, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Ici, il parle de la nation sainte, du peuple élu, nous, hein, on va vivre éternellement. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Troisième raison de se réjouir, on a un avenir éternel auprès de Père. Pas peut-être, pas bientôt, on est déjà dans sa main. On lui appartient déjà. Bien avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait choisis, m'avait choisi. Au temps opportun, il s'est révélé à moi. Au temps opportun, j'ai cru en lui. Par sa grâce, j'ai cru en lui. Puis maintenant, il me garde dans sa main pour l'éternité. Je suis né de nouveau. Je vis maintenant éternellement. J'ai la vie éternelle. Jean 5, 24 nous dit que celui qui a cru et qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là a la vie éternelle. Nous avons cette assurance. Alors, quelle attitude on doit prendre? Juste trois petits passages rapides, là. 2 Pierre, chapitre 3. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété pendant que vous attendez? Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans la paix, premièrement avec le Seigneur, moi et le Seigneur, moi et ma famille, moi et l'Église, et moi et tous les hommes en autant qu'il n'en tient qu'à moi. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Le péché nous environne si facilement. C'est facile de se laisser distraire de la simplicité de l'Évangile. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez vos pensées. Ajoutez à vos connaissances, corrigez les erreurs que vous avez apprises depuis votre enfance. Comment? En lisant la parole de Dieu, en la méditant et en la mettant en pratique, même si vous ne comprenez pas tout. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, en considérant la parole, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis pratiquez ces choses-là. Et comme on l'a vu dans Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. La simplicité de l'Évangile, après qu'on a cru, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus. À ceci, tous, incluant les frères, les sœurs, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça, se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Que rien ne vienne briser ce que Dieu a uni. Donc, je répète, réjouissez-vous en tout temps d'appartenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Désactivez le son.